Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 17, de la sainte mort du bienheureux François et comment, 2 ans auparavant, il avait reçu les stigmates du Seigneur Jésus. 20 ans après s'être attaché au Christ de façon parfaite, et après avoir, pendant tout ce temps, mené la vie et suivi les traces des apôtres, François, cet homme apostolique, laissa cette terre pour monter vers le Christ, l'an de l'incarnation 1226, le dimanche 4e jour des nones d'octobre, ayant conquis le repos éternel par bien des peines, et s'étant rendu digne d'être admis en présence de son Seigneur. Un de ses disciples, fameux par sa sainteté, vit son âme, semblable à une étoile, remplir l'immensité de sa lumière, répandre sur les eaux une clarté aussi vive que celle du soleil et, portée par une nuée blanche, s'élever en droite ligne vers le ciel. Car il avait bien travaillé dans la vigne du Seigneur, toujours fervent et scrupuleux dans les jeûnes, dans les oraisons, dans les veilles, les prédications, les voyages entrepris pour le salut des hommes. Il avait eu souci et compassion de son prochain, et il avait fait abnégation de lui-même, depuis le jour de sa conversion jusqu'à celui où il est monté vers le Christ, il l'avait aimé de tout son cœur, ayant toujours son souvenir présent à l'esprit, le louant dans ses discours et le glorifiant par ses œuvres. Il aimait Dieu d'un tel amour et avec tant de ferveur, qu'en l'entendant nommer, son cœur se fondait de tendresse et qu'il s'écriait « Le ciel et la terre devraient s'incliner quand on prononce le nom de Dieu. » Cette ferveur d'amour, ce souvenir toujours présent de la passion du Christ qu'il avait au cœur, le Seigneur lui-même voulut la manifester au monde entier, et, par un privilège unique, il fit apparaître dans sa chair encore vivante un signe merveilleux. 2 ans environ avant sa mort, à l'approche de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, il priait un matin sur le flanc de la montagne qu'on appelle Alverne. Il était soulevé vers Dieu par des désirs et des ardeurs séraphiques, et, à force de tendresse et de compassion, il se sentait transformé en celui qui, dans l'excès de sa charité, voulut être crucifié. Un séraphin lui apparut alors avec 6 ailes, portant entre 16 ailes la forme d'un crucifié d'une grande beauté, ayant les mains et les pieds étendus en croix, et figurant clairement notre Seigneur Jésus. 2 de ses ailes étaient repliées pour cacher sa tête, 2 autres voilaient le reste de son corps, et les 2 autres, étendues, soutenaient son vol. Quand la vision eut disparu, il lui resta dans l'âme une merveilleuse ardeur d'amour, et dans sa chair, chose plus merveilleuse encore, apparut l'impression des stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, jusqu'à sa mort, les cacha autant que possible, ne voulant pas rendre public le mystère du Seigneur, mais il ne put si bien les dissimuler qu'ils n'apparussent manifestement à ses compagnons, du moins aux plus familiers. Mais, après son heureux départ de ce monde, tous les frères qui étaient alors présents et beaucoup de laïcs virent son corps glorieusement marqué des stigmates du Christ. Ils discernèrent à ses mains et à ses pieds, non les trous laissés par les clous, mais les clous eux-mêmes, formé de sa chair et né dans sa chair, et ayant la couleur noire du fer. Son flanc droit paraissait avoir été traversé d'un coup de lance. Il était sillonné par la cicatrice rouge d'une blessure évidente, d'où souvent, pendant sa vie, s'écoulait un sang sacré. L'incontestable vérité de ces stigmates n'est pas seulement établie par ceux qui les ont vus et touchés pendant sa vie et au moment de sa mort. Le Seigneur voulut la rendre plus manifeste encore, après sa mort, par divers miracles accomplis dans diverses parties du monde. Ces miracles changèrent le cœur de beaucoup d'hommes qui s'étaient trompés sur l'homme de Dieu et avaient douté de ses stigmates, et les amenèrent à une telle certitude de foi, qu'après avoir été ses détracteurs, ils devinrent, par l'action de la bonté de Dieu et sous la pression de la vérité même, ses zélateurs très fidèles et célébrèrent ses louanges. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.